Qu'est-ce donc, citoyens, dirent-nous. Encore une nouvelle canaillerie du gouvernement. Il s'agissait de la destitution d'un maître d'école. Pellerin reprit son parallèle entre Michel-Ange et Shakespeare. Dithmer s'en allait. Arnoux le rattrapa pour lui mettre dans la main deux billets de banque. Alors Hussonnet, croyant le moment favorable, « Vous ne pourriez pas m'avancer, mon cher patron ?» Mais Arnoux s'était rassis et gourmandait un vieillard d'aspect sordide en lunettes bleues. « Ah, vous êtes joli, père Isaac. Voilà trois œuvres décriées, perdues. Tout le monde se fiche de moi. On les connaît maintenant. Que voulez-vous que j'en fasse? Il faudra que je les envoie en Californie. Au diable! Taisez-vous !» La spécialité de ce bonhomme consistait à mettre au bas de ses tableaux des signatures de maîtres anciens. Arnoux refusait de le payer. Il le congédia brutalement. Puis, changeant de manière, il salua un monsieur décoré, gourmet, avec favori et cravate blanche. Le coude sur l'espagnolette de la fenêtre, il lui parla pendant longtemps, d'un air mielleux. Enfin, il éclata. « Eh, je ne suis pas embarrassé d'avoir des courtiers, monsieur le comte !» Le gentilhomme s'étant résigné, Arnoux lui solda 25 louis et, dès qu'il fut dehors, « Sont-ils assommants, ces grands seigneurs ?»« Tous des misérables !» murmura Roginbard.